بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. حياكم الله. Nous allons poursuivre, Inch'Allah Ta'ala, l'explication du livre de la purification de Boulour Al-Maram. Et la semaine dernière, par la grâce d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nous avions vu le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, où il y a l'interdiction de boire et manger dans les récipients d'or et d'argent. Et après ce hadith, l'auteur a mentionné le hadith de Ummu Salama. Donc Ummu Salama rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui boit dans un récipient en argent, on entendra gargouiller dans son ventre le feu de l'enfer. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et Ummu Salama, qu'Allah l'agrée, était l'une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son prénom est Hind. Et elle fait partie des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont de la tribu de Quraysh. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de trois catégories. La première catégorie, celles qui sont de la tribu de Quraysh. Et elles sont six. Nous avons Khadija radiallahu anha, nous avons aussi Aisha, Hafsa, Ummu Habiba, Ummu Salama et Sauda radiallahu anhun. La deuxième catégorie, celles qui sont arabes mais qui ne sont pas des Qurashiyats, c'est-à-dire ils ne font pas partie de la tribu de Quraysh. Et elles sont quatre. Nous avons Zaynab bintu Jahsh radiallahu anha, nous avons Maymouna, nous avons aussi Zaynab bintu Khuzayma, et nous avons aussi Jouhiriya radiallahu anhun. Et la troisième catégorie, celles qui ne sont pas arabes. Et dans cette catégorie, on trouve seulement Safiyya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, qui faisait partie de Benu Israël, les enfants d'Israël. Et concernant Umm Salama, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, elle était avec son mari Abu Salama et leur fils Salama. Et ils voulaient faire la hijra à Médine. Et pour la petite histoire, ils faisaient partie des premiers à s'être convertis. Et donc, lorsqu'ils ont voulu faire la hijra, les gens de la tribu de Benu Makhzoum ont dit à Abu Salama, « Si tu veux faire la hijra, il n'y a pas de problème. » Car Abu Salama faisait partie de la tribu de Benu Asad. Mais par contre, ceci est notre petite fille, en parlant de Salama. Et ils ont dit ensuite, « Nous ne la laisserons pas partir avec toi. » Ils ont donc pris Salama et l'ont empêché de faire la hijra avec son mari. Et ils ont pris par la même occasion son enfant avec elle. Et lorsque Benu Asad ont entendu ce que Benu Makhzoum ont fait au mari de Salama, ils leur ont dit « Pourquoi l'avez-vous empêché d'émigrer avec son mari ?» Ils répondirent « Ceci est notre fille. » Et Benu Asad dirent alors « Si c'est comme cela, ceci est notre enfant. » Ils prirent le petit Salama et ce fut la confusion totale. D'un côté, Abu Salama, radiallahu anhu, parti vers Médine, Salama dans les mains de Benu Makhzoum et Salama son fils dans les mains de Benu Asad. Et donc la famille était dispersée. Et Salama radiallahu anha fut très peinée de cette situation. Tellement elle était peinée, elle sortait en début de journée et s'asseyait près d'une petite montagne pour pleurer. Et elle restait de longs moments comme cela, jusqu'à ce que certains proches éprouvent de la compassion pour elle. Et on dit à Benu Makhzoum de la laisser partir. Ils acceptèrent alors et la laissa partir. Par la suite, elle partit voir Benu Asad en leur disant que Benu Makhzoum l'avait autorisé à faire la hijra et leur demanda de lui donner son enfant, chose qu'ils firent. Elle émigra donc seule avec son fils Salama, qu'Allah les agrée. Et certes, Allah l'a préservée. Un homme du nom de Uthman ibn Talha, qui n'était pas musulman à l'époque, l'a croisé, ou plutôt la croisa, et lui demanda où elle se rendait. Elle répondit qu'elle se rendait à Médine. Et lorsqu'il vit qu'elle était seule, il décida de l'accompagner jusqu'à Médine. Et à Médine, Salama rejoignit son mari Abu Salama. Et elle vécut avec lui jusqu'à sa mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la demanda en mariage par la suite. Et elle est devenue donc l'une des mères des croyantes. Et Salama radiallahu anha est considérée comme l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam les plus savantes après Aïcha radiallahu anha. Et après Aïcha, c'est elle qui a rapporté le plus de hadith radiallahu anhun. Et Salama est celle qui est morte en dernière parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est morte à l'époque de Yazid ibn Muawiya en l'an 61. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Il convient, ikhwan fillah, de tirer des leçons de l'histoire d'Umm Salama, qu'Allah l'agrée. Et parmi les leçons que nous tirons, il y a son grand courage car elle a émigré seule avec son fils et elle a fait preuve d'endurance et de patience, qu'Allah l'agrée. Le fait qu'elle fût bloquée un temps n'a rien enlevé à son abnégation. Malgré que ça soit une femme, elle n'a rien lâché. Tandis qu'aujourd'hui, certains frères, qu'Allah les facilite, sont hésitants à émigrer ou même délaissent la hijra en prétextant des excuses qui n'ont pas lieu d'être. Où sont les hommes courageux qui placent leur confiance en Allah en tout temps? Prenons exemple sur cette sahabiyya et quittons ces terres où nous sommes en danger religieusement, ces terres où nous devons faire des concessions dans notre religion. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité à Salama, comme il facilite à toute personne qui suit cette voie. Et ceci est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Médite avec moi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa. Après avoir menacé ceux qui ont délaissé la hijra et après avoir excusé les faibles et impuissants parmi les hommes et les femmes, il dit Azza wa Jal « وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Quiconque émigre sur le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance de biens. Quiconque quitte sa maison pour émigrer vers Allah et son messager et que la mort vient surprendre, sa récompense incombe à Allah. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et donc dans ce verset, Allah nous informe que celui qui fait la hijra sera facilité. Comme certains savants l'ont expliqué, ceci englobe les choses de la dunya et les choses de la religion. Donc il n'y a aucune hésitation à avoir, mais il faut plutôt s'empresser d'accomplir cette immense adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous fasse mourir soumis. Et donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui boit dans un récipient en argent, on entendra gargouiller dans son ventre le feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, mentionne le châtiment de celui qui boit dans un récipient d'argent. Le sens apparent du hadith indique que ce récipient est totalement d'argent. Sauf que l'imam Ad-Darul Qutni, rahimahullah, rapporte, d'après Abdullah ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui boit dans un récipient d'or et d'argent ou d'un récipient comportant de l'or et de l'argent, on entendra gargouiller dans son ventre le feu de l'enfer. Et donc ceci indique que s'il y a une autre matière avec l'argent, telle que du bois ou autre, avec l'argent, ceci rentre aussi dans cette menace. Aussi les savants incluent les récipients qui sont peints en argent ou en or. Même s'ils ne sont pas en or ou en argent à la base, ils sont peints en or ou en argent. Et ceci est interdit. Par contre, si un récipient est seulement peint couleur or ou argent, ceci est autorisé. Même si le mieux, comme l'expliquent certains savants, et notamment l'éminent savant et Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il dit que le mieux c'est de délaisser cela. Car lorsque les gens verront une personne boire dans ce genre de récipient, les gens croiront que ce sont des récipients d'or ou d'argent. Et s'il fait partie des gens de bien, les gens le prendront en exemple. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « On entendra gargouiller dans son ventre le feu de l'enfer », ceci nous montre que boire dans un récipient d'argent fait partie des grands péchés. Et ici, quelqu'un pourrait se demander pourquoi. La réponse, car les savants mentionnent que toute action pour laquelle son auteur encourt un châtiment dans l'au-delà est un grand péché. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne le châtiment dans l'au-delà de celui qui boit dans un récipient d'argent. Et donc, nous tirons de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement, l'interdiction de boire dans un récipient d'argent et d'or. Le deuxième enseignement, la lourde menace qui pèse sur celui qui boit dans un récipient d'argent ou d'or. Le troisième enseignement, boire dans un récipient d'or ou d'argent est un grand péché. Ensuite, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné trois hadiths concernant le jugement de la peau tannée d'un animal. Donc, d'après Ibn Abbas, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si la peau est tannée, elle est purifiée. » Salama Ibn Muhabbiq Afwan. Salama ibn Muhabbiq radiallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le tannage de la peau de la bête morte, non immolée, la purifie. » Maymouna radiallahu anha rapporte « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa devant une brebis que l'on traînait et dit « Pourquoi ne prenez-vous pas sa peau ?» On répondit « Elle est morte. » Il dit alors « L'eau et l'acacia » la purifieront. Et donc ces hadiths que l'auteur a mentionnés nous montrent le jugement de la peau de la bête morte après avoir été tannée. Et la question qu'on peut se poser ici est pourquoi l'auteur a mentionné ces hadiths dans le chapitre des récipients. Et la réponse à cela, car les peaux d'animaux sont souvent utilisées pour faire des récipients, tels que les outres ou autres récipients. Comme nous l'avions mentionné dans le chapitre des eaux, les cadavres sont impurs, sauf certains, tels que celui de l'homme par exemple, celui du poisson, celui de la sauterelle, et tout animal dont il n'y a pas de sang qui circule, tel que la mouche. Et tous les membres des cadavres sont impurs, que ce soit leur viande, leur chair, leurs intestins et autres, à part leur laine, leurs plumes et leurs cheveux, car ces parties-là sont pures. Et les savants ont divergé concernant les os des cadavres. Sont-ils purs ou impurs ? La majorité des savants sont d'avis qu'ils sont impurs, et d'autres sont d'avis qu'ils sont purs et qu'ils sont semblables aux cheveux et à la laine des animaux. Et ceci est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et concernant les peaux, avant d'être tannées, elles sont impures. Car il rentre dans la généralité du verset 145 de Sourate Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. Dis, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à la consommation que la bête morte, le sang versé, la chair de porc, car c'est une souillure. Et donc, avant d'être tanné, il est interdit d'en tirer profit. Par contre, après avoir tanné la peau de l'animal, elle devient pure. Et donc, il est permis de l'utiliser. Et la preuve à cela, ce sont les hadiths que l'auteur nous a mentionnés. Parmi eux, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Maymouna radiallahu anha, l'eau et l'acacia la purifieront. Et cette phrase indique clairement que la peau de l'animal mort, après avoir été tannée, devient pure et utilisable, exactement comme la peau d'un animal qui a été égorgé. Et concernant les animaux qui ont été égorgés, leur peau est pure, qu'elle soit tannée ou pas. Et ici, il est bon de poser une question. Est-ce que les hadiths que l'auteur a mentionnés sont généraux ou bien sont-ils spécifiques? C'est-à-dire que si on dit qu'ils sont généraux, cela veut dire que toute peau tannée est pure, que cet animal soit licite à la consommation ou non. Et si nous disons qu'ils sont spécifiques, alors cela veut dire que seules les peaux tannées des animaux licites à la consommation sont pures. Et concernant ce sujet, les savants ont divergé. Certains sont d'avis que toutes les peaux sont pures une fois tannées, même ceux des animaux illicites à la consommation, tels que le tigre, le loup ou autres animaux, car ces preuves sont générales. Et ceci est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est l'avis aussi d'Ibn al-Qayyim, et c'est l'avis aussi de Cheikh al-Albani et d'autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Et certains sont d'avis que seules les peaux tannées des animaux licites à la consommation sont pures. Et ceci est l'avis de Cheikh al-Uthaymin et d'autres savants. Et l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala, c'est le premier avis, car il convient de rester sur la base jusqu'à la preuve du contraire. Et la base ici est la généralité des preuves. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et donc nous tirons de ces hadiths plusieurs enseignements. Le premier enseignement, la peau d'un animal mort est impur avant d'être tanné. Le deuxième enseignement, l'attachement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ne pas gaspiller. Car lorsqu'il a vu les gens traîner une brebis morte pour la jeter, il leur a ordonné d'extraire sa peau et de la tanner. Le troisième enseignement qu'on tire de ce hadith, ou plutôt de ces hadiths, l'excellent prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsqu'il vit les gens traîner la brebis, il ne leur a pas ordonné directement d'extraire la peau. Car il savait, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils avaient de la répulsion pour cet animal mort. Et donc, il leur a suggéré d'extraire sa peau. Et ce procédé-là est un bon procédé dans le prêche et dans le conseil, surtout envers les enfants. Car des fois, lorsque tu veux ordonner quelque chose à l'enfant, parmi les choses de bien, telles que jeûner, telles que faire des prières surérogatoires, il va voir d'un mauvais œil le fait que tu lui dises « Fais cette chose ». Mais par contre, si tu viendras à lui dire Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, de jeûner le lundi pour avoir une grande récompense et pour avoir, par exemple, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, ce procédé est plus propice à ce qu'il accepte de jeûner. Un autre exemple, tu veux, par exemple, encourager ton fils ou lui ordonner les nawafil, les prières surérogatoires. Lorsque tu vas lui dire, fais 2 unités après le maghreb, fais 2 unités après l'isha, peut-être qu'il ne va pas voir cette chose d'un bon œil. Mais si tu viendrais à lui en lui disant, que dirais-tu de faire les prières surérogatoires pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour être compté parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute que ce procédé est plus propice à l'acceptation. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.